Today, I'd like to talk about the fifth pair of obstacle, of escape route and its obstacle. And the fifth pair, the escape route, is Dhamma Pavattana, that is the wisdom or knowledge that can discern and know the Dhamma. And the obstacle that covers it over, the avarana, is vicikicca, or skeptical doubt. Aujourd'hui, je voudrais parler de la quatrième paire. Cinquième. Merci. De la cinquième paire, des obstacles et des chemins de sortie, en ce qui concerne les sorties, les chemins de sortie, de secours. Vous avez ça sur le tableau. Dhamma, Vava, Dana, Jnana. Et ça, c'est la sagesse, la connaissance qui peut discerner le Kusala et Akusala. Et ce qui bloque cette sortie, c'est vicikicca, c'est le doute sceptique. La nature de vicikicca, c'est le doute, c'est l'esprit qui vacille, qui est incapable de décider ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il ne peut pas se décider parce que il possède pas la connaissance. La connaissance, quelle connaissance? C'est Dhamma, Vavatana, Jnana. Le discernement, ce qui est le discernement du Dhamma. Donc, vicikicca, ça bloque, ça referme, ça empêche ce chemin de sortie, cette connaissance. Ça bloque ce discernement, ça empêche l'apparition de ce discernement du Dhamma. Je vais donner quelques exemples mondains pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, c'est la nourriture. Une analogie de la nourriture. Sans la nourriture, nous ne pouvons pas bouger, nous n'avons pas d'énergie, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Et concernant la nourriture, il y a la nourriture qui est appropriée et la nourriture qui ne l'est pas. Il y a la nourriture qui est dangereuse et la nourriture qui n'est pas dangereuse. Donc, il faut savoir faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Ce qui est libre de poison, c'est la nourriture qui est toxique et la nourriture qui ne l'est pas. Parce que si nous mangeons la nourriture qui est toxique, empoisonnée, alors nous allons souffrir. Donc il faut cette compréhension. Nous devons savoir différencier les différents types de nourriture pour nous-mêmes, mais aussi pour les enfants ou pour des personnes qui ne sont pas en capacité de reconnaître les qualités de la nourriture. Donc, nous devons expliquer quand les enfants ne sont pas encore assez grands pour connaître les différents qualités et défauts de la nourriture, nous devons, les parents doivent expliquer aux enfants cette nourriture apporte, elle est riche en nutrition, et l'autre non, cette nourriture est libre de, cette nourriture est nuisible, et l'autre non. Certaines nourritures ne sont pas nuisibles à notre santé, mais ne contiennent pas, n'apportent pas grand-chose au niveau des qualités nutritives. Donc, nous devons expliquer ceci aux enfants pour qu'ils se nourrissent correctement tous les jours. Donc, expliquer cette différence entre une nourriture bonne et mauvaise. La même chose avec les amis. Les parents vont expliquer ça, c'est cette personne, et c'est une personne bien, c'est une personne intelligente, elle n'est pas dangereuse, une relation avec une personne comme ça sera bénéfique, et cette personne avoir une amitié avec cette personne n'est pas appropriée. Et cette personne peut être dangereuse. Donc, les parents expliquent comment faire ces différences. Et ça permet aux enfants de comprendre comment avoir des relations appropriées dans la société. La même chose pour l'air. L'air peut être frais, ça peut être propre, ça peut contenir beaucoup d'oxygène et ça va nous redonner de la force. Nous pouvons aller où nous voulons, nous aurons assez de force et ça nous redonne de la vigueur, de la capacité de faire ce que nous voulons. À l'opposé de ça, si l'air est pollué, ça ne va pas apporter ce qui est nécessaire quand nous le respirons, et ça peut être, dans le cas extrême, nous pouvons même en mourir. Et donc, tout ceci, nous devons expliquer à nos enfants pour qu'ils progressivement apprennent et commencent à connaître ça, à comprendre ça pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Quelle est l'importance de différencier ce qui contient des défauts et pas ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas, ce qui est approprié et pas, ce qui est nuisible et ce qui ne l'est pas, ce qui contient des défauts et pas, parce que ça nous permet de différencier, donc ça nous permet d'éviter les dangers. Ça nous permet d'éviter ce qui est dangereux et donc nous évitons la nuisance. Quand nous pouvons faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, ce qui contient les défauts et ce qui est libre des défauts, c'est que ça nous permet d'éviter les nuisances. Et de l'autre côté, il faudrait connaître ce qui est libre des défauts, ce qui est bénéfique, ce qui convient, ce qui est approprié. La même chose pour la nourriture. Il faut comprendre quelle nourriture est propre, libre de pollution, quelle nourriture a les qualités nutritives. Nous pouvons choisir cette nourriture, manger de façon modérée, donc ça va apaiser notre faim, ça va nous donner de la force et ce sera bénéfique. La même chose avec l'air, ça, l'air qui est propre contient de l'oxygène, ça va nous renforcer, ça va nous redonner de la santé. Donc, ça explique comment dans notre vie, dans le monde, nous pouvons être libres de danger et de l'autre côté, obtenir les bienfaits. Et ceci est possible quand nous pouvons faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, ce qui est erroné ou qui contient des défauts et pas. C'est ce que nous avons besoin dans la vie mondaine. En ce qui concerne le sujet du Dhamma, nous avons Dhamma Vatana et c'est la connaissance qui est liée à ce qui est les Dhamma Kusala et Akusala. Kusala, ça veut dire libre, c'est la qualité d'être libre de défauts. Alors nous devons savoir ce qui est en fait l'erreur, le défaut. Quels sont ces défauts? En commençant par le premier défaut, c'est c'est l'avidité. Mais aussi, c'est l'avidité égoïste, ou ça peut être aussi l'avidité extrême. Ça peut aussi être l'avidité injuste. Tout ça, c'est les différents mots pour qui correspondent au mot loba. Donc, quand il y a loba, ce n'est pas libre des défauts. Et après, il y a l'insatisfaction, le fait de détester quelqu'un, la colère, la rancœur, tout ça, ça correspond au mot dosa pali. Les actes qui sont basés, enracinés, les actes de la parole, du corps et de l'esprit qui sont enracinés dans dosa, c'est les actes akusala. Et quand les trois, les actes du corps, parole et esprit, sont libres de ça, alors ce sera les actes qui seront kusala. Après vient moha, c'est l'esprit confus, c'est l'esprit qui manque de clarté, ce qui n'est pas dans la confusion. Et son opposé, donc moha, c'est donc qui est dans dans la confusion et qui manque de clarté. Quand l'acte, n'importe quel acte du corps, parole et esprit, qui n'est pas libre de moha, ce sera akusala. Et quand il est libre, dans la, quand il est libre de ses défauts, quand il est précis, qu'il est libre de confusion, alors ce sera kusala. Un autre mot pour ces deux facettes, c'est sain ou bénéfique et malsain ou nuisible. Et quand nous connaissons la différence entre les deux, alors ça nous permet de décider ce qui est libre qui n'est pas erroné, qui n'en a pas de défaut, et ce qui contient des défauts. Nous devons développer la connaissance qui fait la différence entre ces deux, on peut dire, qualités ou entre les qualités et les défauts. Tout cela, ça veut dire libre d'erreur. La même chose pour la c'est propre, c'est clean. Le mieux sera le résultat, le meilleur sera le résultat. C'est comme quand nous mangeons une nourriture de bonne qualité, nous aurons l'énergie, nous serons en bonne santé. De la même façon, quand nous pratiquons le kusala, alors le résultat sera bon. La même chose pour akusala, c'est les dhammas qui possèdent des défauts, des erreurs. Ça veut dire les dhammas qui contiennent le dosa, le moha, et la troisième, la loba. En général, tout le monde a un peu de désir de dissatisfaction, l'insatisfaction, de colère. Tout le monde possède un peu ça. Et les gens ne prêtent pas trop attention à quand c'est modéré. Parce qu'en fait, finalement, tout le monde en a un peu. Mais quand le niveau de ces défauts est très élevé, alors les gens commencent à remarquer ces défauts. Et ils commencent à dire, ah, il est quand même bien égoïste. Nous commençons à en parler. Et si ces défauts se développe à leur paroxysme, alors nous pouvons agir de façon injuste. Ça peut provoquer des bagarres, on peut se battre, et si jamais quelqu'un est blessé dans ces bagarres, alors une personne comme ça ne pourra pas pardonner parce qu'elle n'a pas de métta, et elle peut devenir cruelle. Parce qu'elle ne voit pas de défaut dans ces trois loba, dosa et moha. Et à ce moment-là, les gens disent à quel point non seulement il est avare, et non seulement il est avide, mais aussi il a de la colère. À quel point il est stupide. Donc ça, nous entendons dans la vie de tous les jours. Et donc, ces défauts extrêmes qui ne sont pas libres d'erreurs sont appelés akusala. Avidité, les actes motivés par les actes du corps, parole et esprit motivés par l'avidité, comment on l'appelle en pali, les actes qui ne sont pas libres de défauts, c'est une question. Akusala. Okay. Very good. Et de l'autre côté, les actes qui sont libres de défauts, les sages, les loups. Donc, plus nous pouvons agir, poser des actes qui sont libres de défauts, plus nous améliorons, plus nous devenons quelqu'un de bien nous-mêmes. Et de l'autre côté, quand les actes ne sont pas libres de ces trois défauts, alors les sages vont critiquer cela. Quand nous commettons des transgressions, alors c'est critiquable, c'est rude. Oui. Et c'est pour cela que nous devons faire la différence, nous devons connaître et comprendre ces deux choses-là. C'est important. Je vous donne un exemple comment Kusala est libre de défauts. Supposons il y a trois personnes, enfin il y a vous et deux autres personnes. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un d'autre, ça c'est Kusala. Alors pour dire que par exemple la Dana, générosité et sans erreur, alors il faut voir quelles sont les erreurs. Qu'est-ce que pollue la générosité, l'acte de donner? La première chose, donc, pour un vrai kusala, ça doit être sans attachement. Parce que si nous offrons quelque chose et il y a de l'avidité dans cela, alors c'est pollué. Et par exemple, si nous donnons sans attendre, sans espérance d'avoir quelque chose un retour, alors ce sera sans défaut. Notre générosité sera sans défaut. Pour donner un exemple, quand nous donnons quelque chose à l'autre, l'autre personne va être contente et avoir va avoir de bons sentiments envers nous. C'est un peu comme avec un chien ou un chat. Quand nous nourrissons un chien ou un chat, il va réagir, ils vont réagir de la même façon à cause de ça. Et chez les bouddhistes, on croit fermement que donner, ça va apporter des bienfaits, des bons résultats. Par exemple, si c'est une générosité matérielle, alors nous aurons des résultats bénéfiques. Donc, nous aurons suffisamment de, de choses matérielles dans le futur. Mais il se peut que nous allons avoir aussi l'attente par rapport à ça, l'espérance que ces résultats vont venir. Et donc ce petit, ces petites attentes, et ces espérances pendant, quand, au moment où nous donnons, ça entache notre générosité. Et donc le défaut, c'est un peu de d'avidité. Donc, quand nous donnons quelque chose, ça doit être libre de des attentes, des espérances, parce que ceci est lié à l'avarice. Par contre, nous devons donner avec la bienveillance. Et la bienveillance, c'est metta. Parce que nous voulons que l'autre personne soit en bonne santé, elle soit heureuse grâce à ce que nous lui donnons. Et du coup, si nous faisons ça avec metta, notre don sera libre d'aversion, de colère. Et nous devons aussi donner avec la compassion, Karuna, avec la pensée que celui qui reçoit, le destinataire, être libre de la souffrance, de ne pas avoir assez. Donc de cette façon, notre don sera libre de cruauté qui ignore la souffrance de l'autre. Et de cette façon, notre acte de donner sera libre de défaut. Nous le faisons avec le souhait que l'autre soit satisfait, comblé, et de cette façon, nous serons libres de jalousie, d'orgueil et libre d'envie. Donner en sachant que sans aucun doute ça va apporter le résultat, ne pas avoir de doute en donnant, ça c'est kusala. Certaines personnes pensent que si on fait quelque chose de bénéfique, on n'aura pas de bons résultats, et c'est quelque chose qui nuisible, il n'y aura pas de mauvais résultats. Ils disent oui, bon, on va mourir et après c'est fini. Donc ils ne sont pas motivés de faire des choses bénéfiques et d'éviter les choses nuisibles. Mais c'est inévitable qu'il y aura des résultats qui sont bénéfiques ou pas. Et en même temps, il n'y a pas de mal de faire quelque chose de bénéfique et d'éviter des actes nuisibles, même si il n'y a pas d'existence future, nous serons quand même dans cette vie, même nous serons satisfaits de faire ces actes bénéfiques et d'éviter les actes nuisibles. Et si les existences futures existent, à ce moment-là, nous aurons des résultats bénéfiques de nos actes. Et donc, tout ceci, c'est kusala. Et quand nous donnons sans l'avidité, sans la colère, alors Et avec l'amour, la compassion, metta, karuna, à chaque fois que nous le faisons, alors les qualités de metta et de karuna vont grandir, vont se développer. Et nous pourrons plus, nous désirons plus de nuire qui que ce soit. Nous allons développer un fort respect pour les autres. Et en fait, la personne ne veut pas nuire, même au niveau de l'esprit. Et c'est pour cela que nous pratiquons la méditation et développons la sagesse, parce que de cette façon, on est complètement libre de akusala. Et si nous faisons de cette façon, c'est le fait d'éviter de développer ces qualités, c'est kusala. Et l'opposé de cela, c'est akusala. Et le plus important, c'est de donner avec un esprit bon. Le plus important, c'est de faire du bien avec un esprit qui est clair, propre, conscient. Donc, donner avec clarté et avec l'esprit qui ne manque pas de compréhension. Nous devons comprendre que le kusala, c'est bénéfique, et faire ça avec un esprit clair, libre de doute. Et c'est de cette façon que nous devons donner. C'est avec cette connaissance, cette compréhension que nous devons donner. Mais nous devons aussi savoir que les bons résultats ont leurs limites. Ça ne dure pas longtemps, que ce soit par rapport à la générosité matérielle ou la pratique de sila. Les résultats sont limités, et c'est pour ça que nous ne devons pas trop chérir ce bonheur, cette satisfaction matérielle, sachant que le vrai bonheur, c'est le bonheur de Nibbana. Et donc, nous devons avoir cette compréhension claire et viser les résultats qui durent plus longtemps. Alors, en gardant à l'esprit tout ceci, quel que soit l'acte bénéfique que nous posons, quel que soit le kusala que nous pratiquons, ça doit être libre de défauts, de ces trois lobha, dosa et moha. Il sera aussi sain, approprié, parce que nous allons faire ça avec metta karuna, et parce qu'il vise le nibbana. Ça, c'est la générosité la plus élevée, et ça va apporter beaucoup de résultats, beaucoup de fruits, un peu comme quand nous plantons quelques grains, nous aurons plein de fruits quand l'arbuste poussera. Et ça c'est la sagesse dans l'action. Nous pratiquons tous Vipassana, et nous pouvons calculer combien de la quantité de kusala que nous accumulons chaque seconde. Si nous pratiquons correctement, nous éliminons l'avidité, la colère, la confusion. Et donc, nous accumulons des quantités vastes des actes sains, bénéfiques. Si nous faisons ceci avec sagesse qui peut distinguer le kusala de akusala, comme les nobles, nous dissipons la kusala et nous allons obtenir le nibbana et échapper à la souffrance samsarique. Et c'est pour cela qu'on dit que Dhamma, Vatana, Jnana, c'est la sortie de secours du samsara. Quel est le défaut de doute? C'est que nous ne savons pas est-ce que c'est kusala ou akusala, est-ce que ça va apporter de bons résultats, est-ce que ça va apporter de mauvais résultats. Donc l'esprit qui vacille et le doute, ça bloque la compréhension, ce qui est kusala, akusala. Et si nous ne sommes pas libres de doute, nous ne serons pas capables de dissiper dissiper akusala et nous ne serons pas obtenus de bons résultats et seulement obtenir de résultats nuisibles. Ça, c'est l'explication plus générale dans le contexte ordinaire, ce qui est kusala et akusala. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Dans le contexte de Vipassana, cette connaissance, c'est distinguer ce qui faire la différence entre ce qui dans la pratique de Vipassana, ce qui est kusala, akusala, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui soutient, bénéficie le Vipassana. Donc c'est l'habilité de discerner ce qui est kusala akusala dans le contexte de Vipassana, dans le contexte de notre pratique. Et aussi de connaître quel est l'obstacle de doute sceptique. In the realm of Vipassana, the knowledge, Dhamma Bhavatana Jnana, is the knowledge that can discern and decide, is this Vipassana Kusala or not? Is it true or is it false? And is this something which can support or benefit Vipassana Kusala or not? Or is it false? So that is what we mean by this ability to discern between Kusala and Akusala in the context of Satipatthana practice. So we will talk about how this is involved in our practice and also the obstacle that covers it over, the skeptical doubt. Sadhu. Sadhu. Sadhu.